Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Macron, Le Pen. Le Pen, Macron. Dur choix, hein? Entre deux mots, on prend le moindre? Ouais, oui, souvent. Souvent on fait ça, voter contre, hein? Voter contre Harper, on se ramasse avec Trudeau. Voter contre Marois, on se ramasse avec Couillard. Voter contre Clinton, ben on se ramasse avec Trump. Voter contre Le Pen, on se ramasse avec Macron. Pas une super stratégie, hein? C'est surtout une preuve assez éloquente que la façon de faire, à sa base même, à sa face même, ça fonctionne pas, hein? En principe, on devrait voter après avoir lu, écouté, après avoir été convaincu par la justesse des propos, des idées, voter pour quelqu'un. Ça arrive, évidemment, oui, ça arrive. Mais pour l'essentiel, du vote contre, ben, il y en a, et beaucoup, hein. Il y a un côté très revanchard à ça, un côté manque d'affirmation, non? Évidemment, on n'a pas le temps de lire, de tout écouter, c'est trop long, les programmes n'ont pas le temps de lire ça, on est dans le jus, bon, oui, d'accord, oui. Alors, on réagit plus qu'on agit, on vote sur le coup de la colère ou de l'émotion, moins pour la raison. Et c'est alors qu'un fin finot peut se présenter devant nous et dire des énormités du type « Faut laisser les riches s'enrichir, faut baisser leurs impôts, ça va rejaillir sur tout le monde va en profiter, c'est comme ça qu'on crée de la richesse ». Ah ouais. Et parce que la vie nous bouscule, ben souvent, parce que le ton est assuré, convaincant, on se dit « Ouais, ben, j'imagine que ça doit être vrai. » Mais c'est faux, totalement. On va l'aborder d'ailleurs aujourd'hui, mais pour vous dire que s'il y a une chose qui est certaine et absolument certaine, plus on les laisse s'enrichir, et plus la croissance économique est faible. Plus on baisse les impôts, plus l'économie virtuelle, d'ailleurs l'économie non productive, paradis fiscaux et autres, là, en profite. Fait que ça profite à personne, sauf à celui qui vend des tranches de steak de thon rouge à 200$ l'assiette, là. Ah oui, ça c'est bon pour l'économie, hein? Ouais, voter contre, rien changer au système, ben c'est ça que ça donne, hein? Bienvenue à Econophile. Gonna pay it. We have not evolved. We have no respect. Vous pouvez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. On est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Ben, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. D'ailleurs, l'article du jour est déjà publié. Econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous permettre de lire un passionnant livre sur « Vertu de la création de la richesse ». Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Alors, Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour, David. Tu vas bien? Tu vas très bien. Écoute, deuxième et dernière partie, j'avais envie de te parler de Macron et de Le Pen, mais je vais peut-être tantôt. Donc, deuxième et dernière partie consacrée à cet ouvrage consistant et fort intéressant, Inégalité, du vénérable économiste britannique Anthony Atkinson. Et cette semaine, donc, on fait un arrêt sur quelques-unes des propositions que tu voulais relever, là. Oui, on va revenir sur les propositions. Oui, parce qu'on en a quand même traité quelques-unes la semaine dernière, mais rappelons qu'il y en a 14 ou 15, donc on n'a pas eu le temps de passer à travers tout. On va essayer de se rattraper un petit peu cette semaine. Exact, pour aller un petit peu plus dans le détail. Et puis au cours de l'émission aussi, on va rapporter ça à notre situation chez nous, ce qui est quelque chose qui est très, très intéressant à faire au Québec. Qu'en est-il des inégalités? Je vous ferai entendre l'entretien que m'a accordé Nicolas Zorn, qui a publié un livre fort instructif à ce propos. On va réaliser qu'à ce chapitre aussi, ben, ah oui, le Québec est encore, oui, oui, une société distincte. Bonne émission. Ouais, je trouvais à propos de remettre ça, surtout que les bandes annonces circulent de ce temps-là pour la cinquième saison et on se rend compte que finalement, ben, Frank Underwood est moins pire que Trump. Fait que, Jean-Claude, donc on revient d'abord, tu voulais qu'on revienne quand même quelques instants sur les causes de l'accentuation des inégalités qui ont été identifiées par Atkinson. Il y en a quelques-unes qui sont bien intéressantes sur lesquelles on revient. Oui, parce que c'est une des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière. Je le regrette un peu parce que je trouvais qu'un des mérites du livre d'Atkinson, c'est justement revenir sur les causes. Évidemment, pour faire une histoire courte, on accuse généralement le néolibéralisme. Mais lui, il ventile ça un peu plus. Il sort des choses quand même plus détaillées. Pour ce qui est du néolibéralisme, quand même, il constate le déclin des syndicats. Je pense à partir des années 80, on se rappelle que Mme Thatcher et M. Reagan avaient fait des guerres aux syndicats, des mineurs puis des transporteurs aériens. Ouais. Des contrôleurs aériens. Et ça l'a percolé un peu partout dans les sociétés occidentales. Les syndicats sont beaucoup moins forts, je pense, maintenant. Sont moins revendicateurs, sont moins à même de revendiquer des conditions salariales plus intéressantes pour les travailleurs. Lui, il l'identifie comme une cause importante. L'autre cause intéressante, puis on la soulève très rarement, ben c'est un peu indirectement, c'est le baby boom. Lui, il mentionne qu'il y a dans une montée massive du chômage dans les années 80. Et ça, dans le fond, c'est une conséquence du baby boom. Mais rappelle, et on disait la semaine dernière qu'il y a une perspective historique de long terme. Ça le dénote très bien. Il rappelle que dans les années 50, après la Deuxième Guerre, le taux de chômage était très bas dans la plupart des pays. C'était de l'ordre de 2-3%. Il raconte bien une anecdote que je trouve extraordinaire. C'est qu'en Nouvelle-Zélande, on avait 55 chômeurs des années 50. Donc, il dit le premier ministre connaissait les chômeurs personnellement. Mais aussi, il dit aussi quand même que ces changements-là dans l'histoire, ce qu'on voit aussi, c'est que le travail atypique, ça a changé, ça a exorbité. Oui, bien évidemment, l'autre question aussi qui aborde, puis il n'est pas le premier à le faire, mais il raconte évidemment que la mondialisation puis les nouvelles technologies ont pour effet justement de faire disparaître des emplois ou sinon des emplois de qualité beaucoup plus modeste, beaucoup moins intéressante. Donc tout ça dans son esprit, c'est ce qui concourt à faire en sorte que finalement le travail rapporte moins au fil des dernières décennies, de sorte que ça allait accentuer les inégalités, parce que la masse des travailleurs fait moins d'argent, de moins bons salaires, alors qu'une minorité, le 1%, s'enrichit. Puis comme il mentionne, c'est souvent à partir du capital et non plus à partir du travail. C'est donc la financiarisation, la montée des grandes richesses qui fait que la richesse provient maintenant davantage de la fortune et du capital que du travail. Et d'ailleurs, il dit aussi qu'il faut que les politiciens travaillent non pas à viser l'emploi maximum, mais bien le minimum de chômage involontaire. C'est ce qui la cible dont il parle dans son bouquin. Oui, on a glissé un mot la semaine dernière. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est qu'il prend 2%, mais il dit depuis 25-30 ans, 2%, ça faisait 2% d'inflation. Il dit on devrait garder la même cible, 2%, mais l'appliquer au chômage. Mm-hmm. Viser. Et dans le fond, ça met en cause le travail des banques centrales, comme la Banque du Canada ou la Federal Reserve aux États-Unis, qui ont des objectifs de contrôle de l'inflation. Mais lui, il dit, il n'y a plus d'inflation présentement, attaquons-nous plutôt au chômage. Exact. Et puis les banques centrales peuvent le faire. Maintenant, bon, pour diminuer les inégalités, on l'aborde, là, il y a des propositions. Parmi celles-ci, ben, t'en as retenu donc quelques-unes. Je vais commencer par la première, le code rémunération pour les hauts revenus. La proposition, je la lis pour qu'on voit, on sache bien de quoi il parle. Il faut une politique nationale des rémunérations composée de deux éléments. Un salaire minimum légal fixé à un niveau qui permet de vivre et un code des usages pour les rémunérations supérieures au minimum négociées dans le cadre d'un dialogue national avec la participation active du Conseil économique et social. Donc ça, c'est la proposition. Il y a un bout qui t'intéresse particulièrement, celui du code. Oui, celui du code, parce que c'est peut-être un élément plus novateur. Évidemment, le salaire minimum, ça, on sait de quoi il parle, puis oui. Il y en a déjà un salaire minimum depuis très longtemps au Québec et au Canada, et aux États-Unis même. On sait que ça fait l'objet de discussion ces temps-ci, mais quand même, le code des rémunérations, c'est quand même plus nouveau. C'est l'idée qu'au fil des années, on s'est rendu compte que les très hauts dirigeants, les 1% gagnaient peut-être, ça peut aller des fois jusqu'à 300 ou 400 fois le salaire moyen des employés dans une entreprise. Alors lui, il veut ramener ça à des proportions plus raisonnables. Il donne pas de chiffres comme tel. Il dit, c'est à négocier. Tu viens de le rappeler, David, par la lecture. C'est à négocier entre les syndicats, le patronat, les gouvernements. Puis c'est un code. C'est pas une loi, c'est un code. C'est un code de bonne pratique. C'est quelque chose dans le genre, ça pourrait prendre la forme, par exemple, de dire, dans les grandes entreprises, ou même dans les moyennes entreprises, les plus hauts salaires ne devraient pas dépasser, disons, 20 % du salaire médian d'entreprise, ou alors 20 fois, ou alors 20 fois le salaire minimum en vigueur dans le pays. Donc, se mettre des balises, évidemment, les dirigeants gagneraient toujours plus que le balayeur dans l'entreprise, mais ce sera dans des proportions moins exagérées. Et ce qui est important, c'est qu'il dit qu'il faut intervenir. Hein? C'est ça qui est la clé là-dedans, c'est-à-dire qu'on laisse pas, il dit, c'est pas le marché qui le fait, qui peut le faire tout seul, c'est vraiment le résultat actuellement d'un rapport de force qui fait qu'on la situation qu'on vit. Et souvent, la personne n'a pas vraiment le choix, pas la capacité de changer sa situation, donc elle subit. C'est la raison pour laquelle, dit-il, il faut intervenir. Bien, c'est une des raisons, oui, c'est ça. On en a parlé la semaine dernière, lui, il voit beaucoup un rôle compensateur de l'État. Le gouvernement a un rôle à jouer, c'est de compenser le pouvoir démesuré du grand capital des grandes entreprises. Moi, je vois une autre raison. Dans mon travail professionnel, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que les entreprises, dans le fond, aimaient ça avoir des codes de bonne pratique, parce que sinon, ça discipline un peu la concurrence. Présentement, les entreprises sont un peu aux prises. On l'a vu un petit peu avec Bombardier. Sont pris pour offrir des salaires faramineux pour vraiment attirer des cadres là, qui estiment compétents. Alors là, ça baliserait les choses. Il y aurait moins de concurrence sauvage entre les grandes entreprises. Et il parle aussi qu'on en profiterait. Puis dans le fond, ce serait une espèce de reflet de l'éthique d'une organisation. C'est ce qu'il dit. On en profiterait notamment, pourquoi pas, pour réduire l'écart avec les femmes aussi, parce que les salaires, c'est une réalité. Oui, il mentionne les femmes puis les immigrants. Oui. Toutes sortes d'autres catégories là, qui sont un peu ostracisées dans certains cas. Jean-Claude, maintenant, deuxième proposition sur laquelle on s'arrête un petit peu plus longuement. Là. Donc, proposition qui se lit comme suit. D'ordinaire, on voit l'héritage comme l'un des mécanismes qui permettent aux riches de préserver leur position au sommet de la répartition, mais en lui-même, il n'a rien d'intrinsèquement mauvais. Le problème est qu'il est très inégalitaire. Si tout le monde héritait du même montant, le jeu serait égal. Un pas peut être fait dans cette direction en garantissant à tous un héritage minimum, d'où la proposition suivante. Une dotation en capital, un héritage minimum, doit être versée à tous lors du passage à l'âge adulte. Moi, j'en entends faire « yeah ». Donc, c'est une proposition intéressante aussi. Une proposition très originale. Certains ont trouvé ça que c'était particulièrement intéressant. J'ajouterais peut-être qu'Atkinson, il dit, c'est presque paradoxal. Il dit, il faudrait quand même que ce soit assez substantiel. Parce que si vous donnez seulement, disons, 4-5 000 $ à un jeune de 18 ans, il va probablement le dépasser en disant, ça ne donne rien de faire quoi que ce soit avec ça. Il faudrait que ce soit significatif. C'est de l'ordre de 5 en termes canadiens, en dehors de 50 000 ou 80 000. Oui, il disait 80 000, c'est ça, ouais. Ben, c'est ça. Pour que ça vaille vraiment la peine de s'en préoccuper, de faire quelque chose avec. Québec. Je suis pas sûr que ça éliminerait complètement les dangers que certains flambent ça. D'ailleurs, Piketty, que tout le monde connaît bien, qu'on connaît en fait mieux qu'Atkinson, lui, tu as pris un peu ses distances avec ça dans la préface du livre en disant, ouais, peut-être qu'on sera mieux d'investir dans l'éducation. Et moi, je trouve l'idée, je suis plutôt sympathique au point de vue de Piketty là-dessus. Je pense que ce serait plus prudent, si jamais on allait dans cette voie semblable à ça, de plutôt mettre l'accent sur des réalisations concrètes. Donc, encourager les jeunes, celui qui arrive à 18 ans, qui arrive à l'âge adulte, à faire vraiment quelque chose, à faire de l'outiller pour mieux se débrouiller dans la vie. Et on a rien qu'à faire le lien avec la situation du Québec, là, ce qu'on a connu avec les carrés rouges il y a quelques années, c'est-à-dire que la question des frais de scolarité. Si le gouvernement veut, dans le fond, embarquer dans ce concept d'un héritage aux jeunes, d'aider les jeunes à se donner d'un capital pour entrer dans la vie. Dans la vie, ça peut être un capital d'éducation et donc faciliter l'accès à l'université. Moi, je pense à une alternative, puis je pense un peu comme Piketty, là, j'ai pas de mérite en disant ça, mais je pense que ce serait plus rentable que simplement donner 80 000 $ à quelqu'un sous prétexte qu'il vient d'avoir 18 ans. Ça se boit tellement bien. Mais bref, oui, non, mais c'est sûr que l'éducation, c'est pas galvaudé, c'est pas non plus exagéré quand on dit qu'avec l'éducation, on règle une tonne de problèmes. Santé, tissu social, performance économique, enfin, à tous les niveaux, on améliore les choses. Bien, il y a un autre lien qu'on peut faire avec l'actualité, David, si tu permets. On l'a vu beaucoup cette semaine dans la ferme Pangea. On a beaucoup critiqué le fait que Pangea achète des terres agricoles et les loue après ça, les usagers, sous prétexte que les fils ou les filles d'agriculteurs ou d'agricultrices n'ont pas le capital nécessaire pour acheter la propriété de leurs parents. Ouais. Alors, ce serait une belle application du même concept encore. Il pourrait y avoir effectivement un fonds gouvernemental qui peut-être prêterait sans intérêt à des jeunes qui veulent se lancer en agriculture ou peut-être en entreprise. C'est une autre façon, dans le fond, de s'assurer que le capital, l'héritage qu'on donnerait, l'héritage social qu'on donnerait aux jeunes, servirait directement à quelque chose de productif. Et on pourrait quand même poser la question, ben c'est bien le fun, 80 000 $ mais on finance ça comment? Il l'avance quand même, il en parle. Oui, ben c'est ça, il l'avance en termes, lui, il voit ça, une espèce de taxation sur les héritages, en fait, sur le capital. C'est toujours la notion, dans l'impôt le fond. L'impôt sur la fortune personnelle. Fortune personnelle, oui. Effectivement, c'est un moyen d'y arriver, comme quoi il y a toujours moyen. Ben, de toute façon, quand on met l'argent à une place, on la met ailleurs, ben, regarde, hein. C'est des vases communicants à un moment donné, là. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Et maintenant, autre proposition, Jean-Claude. Là, on est rendu. On parle du revenu de participation. Donc, qui se lit comme suit. Il faut introduire au niveau national un revenu de participation complétant la protection sociale existante avec la perspective d'un revenu de base pour les enfants à l'échelle européenne. La participation serait définie largement une contribution à la société. Hein? On met ça large, là. Hein? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que ça s'oppose. En fait, je rattacherais ça là, au concept de revenu minimum garanti dont on entend souvent parler ici au Québec et dans plusieurs autres pays, même d'autres provinces. L'Ontario a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait lancer un projet pilote de revenu garanti. Ou de revenu citoyen, il dit ça aussi dans le livre en disant que ça, c'est comparé à ça, c'est pas la même chose. Oui, ben, c'est ça, lui. C'est ça, la distinction finalement, c'est que souvent les tenants du revenu minimum garanti vont dire c'est universel, c'est sans condition. On a ça automatiquement. Et lui, il dit qu'on rattache ça à la participation. C'est dans ce sens-là qu'il se distingue. Mais la participation, c'est quand même assez large. Là. Il faudrait que le bénéficiaire, par exemple, fasse quelque chose de concret. Ça peut être un petit artisan, ça peut être un étudiant, ça peut être une personne en formation, ça peut être un demandeur d'emploi, un chômeur. Ça peut être également des gens, des aidants naturels, comme on dit, des mères au foyer. Le seul qu'il mentionne pas, c'est des artistes. Donc, je sais pas s'il a oublié d'y penser, mais il reste que non, que c'est assez. Puis lui, même il mentionne, il dit qu'il faudrait que ces personnes-là fassent à peu près 35 heures semaine. C'est sûr que la mère au foyer ou le père au foyer fait facilement 35 heures semaine, mais il voudrait que Dans le fond, c'est rattaché à ça, l'idée que tu fais un travail, même si le travail n'est pas rémunéré par le marché, on te compense pour ça. Mais d'ailleurs, quand on étudie l'économie, on apprend ça, notamment quand on parle du PIB, on dit « Ah, mais le PIB, il y a des choses qu'il ne contient pas. » On parle notamment de ça, on dit « Ces gens-là qui font un travail bénévole ou autrement, c'est pas comptabilisé, si bien que les chiffres dont on dispose, ils sont incomplets. » C'est ça, exactement. Oui, oui, ça, on a déjà critiqué, plusieurs l'ont critiqué, c'est une des lacunes du PIB. L'idée est intéressante parce qu'encore une fois, au Québec, là, j'allais préciser que lui, dans sa conception à lui, Atkinson, ça complète les protections sociales existantes. Donc, vous ne perdez pas votre aide sociale ou votre allocation de chômage ou peu importe l'assurance parentale que vous avez déjà. Alors que dans les conceptions qui sont à l'étude, apparemment, ici en Amérique du Nord, mais notamment auprès du ministre François Blais, M. Blais, qui est ministre de la Sécurité sociale au Québec, a eu sous le mandat du premier ministre Couillard d'étudier le concept et de faire un rapport là-dessus éventuellement, probablement d'ici aux prochaines élections, ce sera peut-être dans la prochaine campagne électorale. M. Blais lui semble travailler plutôt sur le concept de remplacement des transferts sociaux. Atkinson dit... Ça s'additionne aux transferts sociaux que vous avez déjà. M. Blais semble travailler, il nous le confirmera lors de son rapport, mais semble plutôt travailler, lui, sur le remplacement des transferts sociaux. Remplacement, ça veut dire que vous recevrez, tu ne reçois plus ce que tu recevais. C'est ça. C'est eux qui le ramassent, ils vous le mettent dans un paquet cadeau complet. Il reste à voir que ça pourrait théoriquement être bénéficiaire, représenter un bénéfice net pour le bénéficiaire quand même. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, le revenu minimum, tel que conçu dans le cas du Québec, en tout cas, c'est que ce sera financé par des rabais, pas des rabais, mais des économies au niveau des programmes sociaux, encore une fois. Donc, on vous enlève d'une main ce qu'on vous redonne de l'autre. Est-ce qu'on va vous en donner plus de l'autre main? Ça reste à voir. Il dit aussi, qu'est-ce qu'on fait des gens qui traversent la frontière? Il y a quand même des défis, des questions qui se posent avec ça, là. Oui, ben c'est une autre notion intéressante qu'Atkinson dit. Il dit, il y en a plusieurs qui rattachent le revenu minimum ou le revenu de participation à la nationalité. C'est-à-dire, si vous êtes un bon Québécois ou un bon Britannique, dans son cas, vous y avez le droit. Mais là, ça pose toutes des questions par rapport aux immigrants de fraîche date. Lui, c'est pour ça qu'il veut plutôt rattacher ça à la participation plutôt qu'à la nationalité. Oui, à ceux qui disent, de toute façon, il n'y a pas de conditions, nous autres, de notre il dit non, il n'y a personne qui donne un chèque à quelqu'un en disant, s'il débarque un touriste, c'est l'exemple qu'il donne, il dit, il débarque un touriste, on ne va pas lui donner une participation à ça. Là. Il y a quand même toujours, de toute façon, quoi qu'on en dise, des critères. C'est ça, des critères. Remarque, ça pose des problèmes d'administration parce qu'il faut quand même que tu contrôles ce que les personnes font. Peut-être mentionner un dernier détail là-dessus, c'est que c'est un concept moi, qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai réfléchi et lu beaucoup ces derniers temps. Et les objections principales, dans le fond, aux revenus de participation ou aux revenus revenu citoyen ou revenu minimum, peu importe comment qu'on l'appelle, c'est d'abord ça peut coûter très cher pour que ce soit significatif. Pour que quelqu'un, là, pour que ce soit vraiment intéressant d'avoir le revenu en question, c'est de l'ordre de plusieurs milliards. C'est une fraction importante du budget des gouvernements. Et la grosse question, c'est l'éthique du travail. C'est-à-dire, est-ce que les contribuables, est-ce qu'ils accepteraient facilement que quelqu'un reçoive de l'argent sans avoir un revenu, sans participer au marché finalement? Moi, j'en connais qui font des milliards à pas participer au marché pantoute, là. Ce sera une question à débattre. Voilà. Puis on enfile, on a encore quelques petites minutes pour parler de quelques autres propositions qui t'intéressaient, sur lesquelles il s'étendait d'ailleurs pas tellement. Si on commençait par, il y a impôt annuel sur la fortune. Oui, bien en fait, peut-être mentionner dès le départ qu'il n'était pas vraiment dans ses propos, ses 15 propositions, ça a des idées à examiner. Puis rappelons-nous, comme on l'a dit la semaine passée, qu'il a écrit ça pratiquement à l'article de la mort, là. Ouais. Fait que probablement qu'il s'est dit, là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je vais au moins lui laisser ça. Oui, il appelait ça idée à creuser. Impôt sur la fortune, oui, mais c'est un peu un lien tantôt. On disait comment il pourrait financer l'héritage universel de ceux qui arrivent à 18 ans. Mais il mentionnait déjà un peu. Il dit que ça pourrait être via un impôt sur la fortune ou un impôt sur les héritages. J'ai toujours, dans le fond, l'idée de taxer le capital. Ceux qui ont de la richesse, plutôt que taxer le travail, le revenu, parce que ça, il y en a de moins en moins. Donc, puis il y a de plus en plus de fortune. Alors, c'est ça qui est la piste de solution. L'autre idée intéressante qui aborde et qui nous souhaite, en fait, qui souhaite que ses successeurs examinent, c'est un impôt minimum sur les grandes entreprises. Ça, ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que peu importe les échappatoires, les crédits fiscaux, tous les artifices auxquels vous avez droit, vous seriez une grande corporation, une grande entreprise serait tenue de payer un certain montant, un certain pourcentage son chiffre d'affaires. Alors encore là, il ne s'avance pas pour donner un chiffre précis, un pourcentage précis, mais c'est l'idée qui est intéressante dans ce cas-là. D'ailleurs, petite aparté dans la conversation avec Nicolas Zorn qu'on va entendre tantôt. On aborde ça en disant, il dit, tu sais, à ceux qui disent, ah, mais sont les taxes, de toute façon, ils vont quitter. Dans les faits, ça se fait pas vraiment. Il y a quand même des avantages ici aussi, dans la société, dans l'organisation, les structures, les services, tout ce qui vient avec. Et l'autre élément qui était avec, c'est un impôt progressif sur les héritages et les donations entre vifs. Les vifs. Oui, ça, ben ça, c'est encore là, ça posera peut-être une certaine résistance dans la population, puis des problèmes de contrôle aussi. Je pense qu'il en était conscient, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit sur ça des idées à examiner. Il n'était pas sûr lui-même, je pense, de la faisabilité. Mais effectivement, ça vaut la peine de regarder ça, ce serait faisable et vendable politiquement aussi. En conclusion, puisqu'on termine avec le livre de M. Atkinson, une très belle et bonne lecture. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup appris. Évidemment, moi, je suis pas économiste, j'en ai appris sans doute beaucoup plus, mais mon Dieu que c'était passionnant. Oui, puis comme je disais la semaine dernière, moi, je pense que c'est un excellent livre pour alimenter des discussions. C'est-à-dire, c'est un livre qui se prête bien à la discussion parce que tout, il y a des choses qui sont quand même controversées là-dedans, qui méritent en tout cas une discussion plus approfondie. Alors, il aura réussi son pari, c'est-à-dire donner des pistes, puis de demander aux gens de creuser, ben, on peut le faire. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. C'est David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On vous a donc parlé de l'excellent livre d'Anthony Atkinson, Inégalité, mais ici, ben, l'auteur est britannique, donc il s'intéresse surtout à son pays, même s'il parle quand même de ce qui se passe dans le monde. Alors, qu'en est-il chez nous? Ben, ça donne bien, parce que le chercheur Nicolas Zorn, analyste de politique à l'Institut du Nouveau Monde, a réalisé le portrait sur l'évolution du 1% le plus riche au Québec de 1973 à 2008. Il a compilé ça. Et sa conclusion, ben, des inégalités chez nous. Il y en a, ça, oui, on le savait. Ça augmente aussi chez nous, mais malheureusement, moins qu'ailleurs. Pour certains, penseront-ils. Donc, c'est aussi ça quand même, hein, la société. Était distincte. Au cours de cette émission-là, on s'intéresse au bouquin tout particulier de M. Atkinson, Anthony Atkinson, qui s'appelle Inégalité, qui parle bien d'inégalité dans le monde, particulièrement en Grande-Bretagne, mais on s'est quand même demandé, bon, mais d'accord, mais qu'en est-il du Québec? Et fort heureusement, votre ouvrage, c'est ça, c'est parler du cas du Québec qui finalement, il y a des inégalités, ça c'est un fait, c'est indéniable, puis là, vous l'avez même quantifié, c'est chiffré, là. Oui, et pour le 1% le plus riche au Québec, je pense qu'il y a une grande question à se poser, c'est comment est-ce qu'il se compare avec ses collègues, avec les autres pays développés, pays comparables. Et il y a deux grandes tendances lorsqu'on regarde l'évolution du 1% le plus riche. Depuis le milieu des années 80, les pays anglo-saxons ont vu une grande augmentation de la part des revenus captés par le 1% le plus riche. De l'autre côté, les pays d'Europe continentale, les pays d'Europe scandinave, les pays scandinaves et le Japon ont connu une hausse somme toute modeste. Et donc, où se situe le Québec par rapport à ces deux tendances? Clairement, il se situe dans le deuxième groupe. Et cela, on peut l'expliquer, on voit l'évolution du 1% des deux groupes se suit à 2 points de pourcentage tout le long de la période de 30 ans. C'est vraiment l'un suit l'autre de façon très claire. Et je l'explique principalement par le modèle institutionnel spécifique au Québec. On réfère souvent au modèle québécois. Oui. Dans ce cas-ci, ce sont les institutions qui font une grande différence. On parle des normes sociales, on parle de la fiscalité, le rôle de l'État dans l'économie, la gouvernance d'entreprise, la financiarisation de l'économie, donc la place de la finance dans l'économie, et finalement les institutions du marché du travail comme le syndicalisme, comme la réglementation des conventions collectives notamment. Ces institutions-là ont un impact sur l'évolution du 1% le plus riche et leur combinaison en tant que modèle institutionnel, ça renforce une tendance plutôt qu'une autre. Donc, le modèle québécois, il est résistant à travers les époques, à travers les gouvernements. C'est un modèle institutionnel. Et vraiment, ça fait une différence pour l'évolution du 1% le plus riche au Québec. Donc, on voit au Québec qu'il y a eu une augmentation du 1% le plus riche. Mais au final, ça a été somme toute modeste et bien plus modeste que ses voisins nord-américains. On parle du Canada, des États-Unis. Au contraire, c'est d'ailleurs pourquoi un des chapitres de mon livre s'intitule « Un Québec européen en Amérique ». Ben, c'est un peu ça. C'est un clin d'œil au fait qu'on a un modèle social différent, et c'est clairement pourquoi le Québec se distingue en Amérique du Nord. Et c'est ça, parce que ce qu'on a chez nous a permis de ralentir et non pas de l'empêcher. On le comprend bien, l'inégalité, c'est presque inexorable, mais ce qui peut nous consoler, c'est que dans le fond, on l'a ralenti. Ça, c'est ce qu'on mesure. Oui, parce qu'il y a deux choses à expliquer une fois qu'on constate que le 1% le plus riche au Québec a augmenté. D'abord, puisqu'il a augmenté modestement, pourquoi est-ce que le Québec se distingue? Puis ça, bon, on l'explique par le modèle institutionnel du Québec et les institutions qui lui sont propres. Mais en même temps, il y a aussi une autre chose à expliquer. Il y a eu une augmentation du 1% le plus riche au Québec malgré tout. Et ça, de ce côté-là, il faut regarder les institutions qui, d'ailleurs, ont changé, mais également le tissu économique aussi a changé. Les caractéristiques de l'économie ont changé. Il y avait une inflation qui était très importante dans les années 70 puis une partie des années 80. Ce n'est plus le cas depuis, et ça l'a favorisé l'accroissement des revenus du 1% le plus riche. Souvent, ils ont des placements, ils ont des investissements en bourse. Ces choses-là sont davantage vulnérables à l'inflation que le revenu des salariés. Et de l'autre côté, on regarde d'autres facteurs économiques. La mondialisation a probablement joué un certain rôle, même si ça a été modeste. Et en même temps, lorsqu'on regarde aussi le rapport de force favorable, plus favorable pour les travailleurs qui ont une formation, disons, plus qui est plus qui a une plus grande valeur sur le marché du travail. Mais on sait que certaines professions en ont tiré davantage bénéfices. On pense par exemple aux travailleurs de la finance et les professionnels comme les avocats, comme les comptables, les ingénieurs, et les médecins en particulier. Donc ces groupes-là ont pu mieux tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont un pouvoir de marché qui est plus important. Et les institutions ont également favorisé ça. On pense notamment à la fiscalité où l'impôt marginal, le taux d'impôt marginal est passé de 70 à autour de 50% au Québec. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus que 50%. Ça a un impact. Si vous êtes un médecin, vous pouvez exiger davantage une rémunération plus importante sans nécessairement donner de contrepartie parce que vous pouvez le faire, parce que vous avez un syndicat qui a le pouvoir d'exiger une plus grande compensation, et ça vaut la peine de le demander puisque l'impôt est plus faible. Si l'impôt est plus élevé, ça désincite les acteurs économiques qui ont un plus grand pouvoir de marché d'exiger une rémunération plus importante sans rien donner en échange. Donc, ça aussi, c'est un facteur, je pense, qui peut l'expliquer et qui est souligné dans le livre. Dans quelle mesure, parce que vous avez abordé un peu la financiarisation, on le voit, on le mesure beaucoup à l'étranger notamment. À quel point la financiarisation a un rôle au Québec, en fait, moins intense, ça c'est très clair, on le constate bien. Mais ça reste, en tout cas dans les dernières décennies, ça a pris une ampleur telle que l'impression que l'économie, ça passe par là, puis que l'économie réelle est un peu mise de côté. Il y a des entreprises de toute façon qui font de la surépargne au lieu de réinjecter. Qu'en est-il donc pour ce que vous voyez par rapport à ça? Mais il y a vraiment deux choses à souligner. La première, c'est que le Québec se distingue du reste du Canada et en particulier des États-Unis parce que les entreprises, notamment les PME, mais également les grandes entreprises québécoises, sont moins présentes sur les marchés boursiers. C'est reconnu, c'est notoire que le Québec est moins présent dans l'indice TSX de Toronto, et la finance joue un moins grand rôle pour aller chercher du financement pour les entreprises. En même temps, il y a des alternatives au niveau du crédit. On pense notamment au fonds de solidarité et au fonds d'action qui sont des fonds des travailleurs qui fournissent du crédit, ou également le gouvernement du Québec qui notamment avec la Caisse de dépôt et placement et Investissement Québec, est plus présent pour fournir des alternatives au crédit qu'on peut trouver, qu'une entreprise peut trouver en bourse. Et en même temps, si on regarde de l'autre côté, la finance, malgré tout, il y a eu des changements. On sait qu'il y a plus d'endettement au niveau privé. L'endettement des ménages a beaucoup augmenté depuis les 30 dernières années. Et de l'autre côté, on peut aussi regarder du côté des grandes entreprises. On voit qu'il y a quand même un certain impact, une certaine justification à regarder qu'est-ce qui existe ailleurs en Amérique du Nord et l'utiliser comme justification, voire même comme idéal à suivre. Et je pense qu'un bon exemple là-dessus, c'est Bombardier, une des multinationales du Québec, pour qui l'objectif premier étant en bourse, c'est d'accroître la valeur de l'action. Et les décisions sont prises en fonction de ça. Le modèle de rémunération des PDG est pris en fonction de ça. Et on le voit d'ailleurs, les patrons d'entreprise reçoivent des récompenses au niveau boursier. Ils sont favorisés par les actionnaires et par leur rémunération en atteignant certains objectifs. Puis certains de ces objectifs, c'est de mettre à pied des milliers de travailleurs. Donc, on voit que le rapport de force n'est pas nécessairement favorable aux travailleurs. 99%, il est davantage au niveau de certains membres du 1%. Dans ce cas-ci, les PDG d'entreprise, les hauts cadres dirigeants d'entreprise qui font partie, c'est un des principaux groupes du 1% le plus riche, mais également des actionnaires. Puis ça, là-dessus, on peut inclure aussi les investisseurs institutionnels. La Caisse de dépôt et placement est un bon exemple. Ils se sont fait taper sur les doigts à cause de la crise économique de 2008-2009 et on voit que la Caisse de dépôt est revenue en arrière par rapport à sa stratégie économique, de revenir à un investissement qui mise plus sur le long terme, mais il a vraiment fallu que le coût soit sévère et soit solide pour que la Caisse de dépôt revienne en arrière sur un modèle qui, d'ailleurs, est adopté ailleurs, un peu partout dans le monde de la finance, de vraiment miser sur la valorisation à court terme des actifs. Et donc, la place de la finance, elle est moins présente au Québec, la financiarisation, mais en même temps, on peut pas se mettre la tête dans le sable, c'est un phénomène qui existe et qui a un impact. Alors, c'est vraiment, dans la mesure où on n'a pas énormément de données sur la question, les données qu'on a nous indiquent que ça va un peu dans les deux directions. Il y a un accroissement, mais en même temps, c'est toujours pas comparable au reste de l'Amérique du Nord. Et ce que vous dites aussi qui est particulièrement intéressant, c'est que à regarder tout ça, dans le fond, finalement, c'est beaucoup des choix idéologiques, hein, c'est comme ça que c'est présenté, non pas économique, parce que on a quand même, hein, si on parlait un peu à monsieur, madame, tout le monde, on aurait l'impression que ça doit être parce que ça... c'est des raisons économiques, ça doit être assez froid et calculé, peut-être pas tant que ça, c'est plus idéologique que d'autres choses finalement. Oui, puis je pense que il y a une des parties dans le livre où, par exemple, je parle de la taxation des mieux nantis, c'est un enjeu qui est éminemment politique, on peut comprendre pourquoi, puis je cherchais vraiment à savoir est-ce que c'est un facteur qui compte beaucoup dans la mobilité, par exemple, des gens du 1% le plus riche. Est-ce qu'ils vont déménager si on les taxe davantage? Est-ce qu'ils vont travailler moins si on les taxe davantage? Est-ce que ils vont éviter davantage de faire de l'évitement fiscal, autrement dit de l'évitement et de l'évasion fiscale, autrement dit de jouer avec ses revenus pour payer moins d'impôts? Et la réponse à ces questions-là, c'est non, en fait. On le voit, les études sont très claires là-dessus. Si on augmente le taux d'imposition, les riches ne fuient pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces gens-là payent des impôts, mais ils ont également quelque chose en retour, c'est-à-dire une qualité de vie, le fait de vivre au Québec, d'avoir une société qui a davantage de cohésion sociale, a des services publics, ça joue dans la balance. Et le fait aussi que vous avez un réseau, vous avez déjà établi un réseau d'amis, de contacts, de famille. Vous n'allez pas déménager au Nebraska parce qu'il y a 3 points de pourcentage de moins important pour votre taxation. Et donc, je peux comprendre que certains groupes d'intérêt, par exemple, lorsque le lobby des médecins dans le milieu des années 2000 mettait de l'avant l'idée selon laquelle faut payer davantage les médecins parce que sinon ils vont déménager. C'est un mythe, ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on va donner plus d'argent, ils vont travailler plus. Étonnamment, et en fait, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on y pense, c'est pas arrivé. Lorsque lorsqu'on regarde donc ces situations-là, c'est pas surprenant que certains groupes d'intérêt s'accrochent à des arguments qui sont favorables à leur position, mais lorsqu'on regarde les études sur le sujet, les gens évitent l'impôt lorsqu'ils le peuvent et non pas dépendamment du taux d'imposition, que ce soit 20 % ou 80 %, ils vont éviter l'impôt s'ils peuvent, mais s'ils peuvent pas, ben ils le feront pas. Généralement, ils déménagent pas. Et donc, ces éléments-là, je pense qu'ils manquent dans le débat public et c'est pour ça que c'est important de les mettre de l'avant pour ôter les aspects idéologiques, pour ôter les aspects de groupes d'intérêt puis de faire les débats sur les bonnes bases. Donc, en quelque sorte, oui, en ignorant ces études-là, il y a de l'idéologie qui est derrière ça. Là. Moi, je pourrais dire à la blague que la meilleure chose que les médecins ont pu faire, c'est que leur président de syndicat devienne ministre. Ça a permis de changer les choses. Mais en terminant, il y a une autre chose que vous déboulonnez qui est bien intéressante et vous n'êtes pas le seul parce que vous reprenez la FMI et d'autres qui ont commencé à dire des choses et qui faisaient, moi, je pense, partie de ces mythes qu'on entretient toujours, c'est-à-dire que plus les riches sont riches et plus on est tous riches. Or, c'est pas ça que vous mesurez, c'est pas ça qu'on voit. Hein. On voit que plus les riches sont riches et plus la croissance économique est faible. Ça, c'est quand même un argument massu, me semble-t-il. Oui, puis la raison pour laquelle cet argument-là pouvait tenir la route, c'est que on se disait, ben plus qu'on donne de l'argent aux plus qualifiés, plus qu'ils vont travailler fort. Par contre, c'est pas ce que les études plus récentes démontrent. Au contraire, puis c'est là que il y a un autre type d'argumentaire qui est plus pertinent, puis au final, c'est avéré plus important, c'est que plus on est riche, plus notre propension marginale à consommer, elle est faible. Plus vous allez avoir d'argent, plus que vous allez le mettre dans vos REER, plus que vous allez le mettre en bourse, plus que vous allez l'investir en immobilier, et vous n'allez pas nécessairement l'investir dans l'économie réelle. Et plus vous êtes pauvre, plus vous êtes dans la classe moyenne, plus ces dollars-là que vous allez recevoir, le dollar additionnel que vous allez recevoir, que ce soit par la fiscalité ou par tout simplement moins d'inégalités en général dans la société, donc le marché du travail, ben plus vous allez les dépenser, cet argent-là. Cet argent-là s'en va vers l'épicier du coin, vers le projet du coin, ou c'est pour que vous construisez, vous rénovez votre maison parce que vous avez 30-40 000 $ de revenus, ben au lieu de le mettre en épargne, c'est sûr que ça va stimuler l'économie réelle, l'économie locale, davantage que si vous avez des hauts revenus, ou est-ce que, ben, écoutons, je vais me payer un troisième voyage cette fois-ci aux îles Fidji, ça ouais. Stimule pas l'économie locale. Ça, donc, c'est pas vraiment surprenant de voir qu'est-ce que la FMI y ressort comme résultat. Effectivement, plus d'égalité, ça veut dire plus de croissance économique. Alors Jean-Claude, des commentaires très intéressants. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette entrevue-là. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Ben, je ne sais pas si on aura le temps de passer à travers. Non, mais quelques... Il y a beaucoup de choses. Ben, la première affaire, c'est que je fais le lien avec Atkinson, c'est-à-dire que lui, dans le fond, on a souvent répété qu'Atkinson mettait beaucoup l'accent sur le rôle de l'État. Nicolas Zorn lui appelait ça les institutions, mais c'est la même chose, dans le fond. C'est-à-dire les normes du travail, la réglementation gouvernementale, des questions de salaire minimum, les transferts, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent, on a une fiscalité pour les riches, on les redistribue en faveur de ceux qui ont moins d'argent. Lui appelle ça les institutions, Atkinson appelle ça le rôle de l'État. Je trouve que c'est très cohérent. On voit que c'est la même. Puis en même temps, on voit que c'est moins dramatique. Ici, tu l'as souligné toi-même, David, ça montre qu'au Québec, dans le fond, c'est pas le Royaume-Uni. Heureusement, d'ailleurs, que c'est pas le Royaume-Uni, même s'il y a encore quand même des choses à améliorer, c'est bien évident. Et donc, c'est quand même intéressant aussi de le dire clairement. C'est-à-dire que oui, il y en a des inégalités, on s'en doutait bien, on n'est pas des fous. Mais même de se le faire dire, ce qu'on savait, à savoir qu'on est plus solidaire, entre guillemets, ici au Québec, ça, c'est intéressant, j'imagine, mais pour toi, le professeur, l'économiste, c'est intéressant de savoir qu'on peut même le quantifier, qu'un homme se soit penché là-dessus, bravo. Là. C'est un peu, je commençais la semaine passée d'Atkinson. Je pense qu'Atkinson, dans le fond, de ses grands mérites qu'on reconnaît pas suffisamment, c'est qu'il a ouvert la voie à tout un domaine de recherche. En France, c'était Piketty qui a fait ça. Au Québec, ce serait Nicolas Zorn, entre autres. Ouais. Puis Zorn est peut-être un des premiers tu l'as rappelé au début de l'entrevue, à remonter jusqu'à les années 70, puis à faire des séries série chronologique, voir comment ça a évolué. Ça, c'était tout un champ de recherche que moi, quand j'ai étudié à l'université, on parlait pas de ça partout. C'est-à-dire, l'important, c'était de créer générer la croissance, créer de la richesse, puis la distribution. Bon, on disait, bon Dieu s'en occupera, puis c'est pas plus grave que ça. Mais donc, cette idée-là était encore réelle jusqu'à tout récemment. Ça veut dire que cette impression qu'effectivement, la richesse se crée et se redistribue. Puis, à un moment donné, les gens profitent, là. Oui, c'est le trickle-down dont on y a fait allusion. C'est une idée à mode depuis Reagan, ça. Puis, je pense que c'est vraiment la crise de 2008, puis tout le sort de la Grèce qui a révélé le sort, par exemple, les grandes inégalités entre les pays, puis au sein des pays. C'est depuis une dizaine d'années, vraiment, qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Tout le mouvement des indignés aussi a participé à ça, puis aider à sensibiliser le grand public, dans le fond, à l'idée qu'il y a des inégalités. Puis ça devient maintenant un enjeu à la fois pour les politiciens, bien sûr, et pour les économistes aussi. Nicolas Zonne, qui n'est pas économiste, mais qui est très intéressé par l'économie, c'est évident, se préoccupe de ça. Lui, c'est un bon exemple, s'en préoccupe depuis maintenant quelques années. Et de dire aussi clairement, s'occuper des moins nantis, de la classe moyenne, c'est comme ça qu'on contribue à la croissance économique. Ça aussi, c'est intéressant de le dire là, vraiment nommément. Là. Ben, c'est un autre problème que pour moi, ça évoque l'idée de le fameux problème. Certains évoquent la stagnation séculaire. Là. On a l'impression que les économies occidentales sont bloquées. Moi, mon explication, c'est entre autres à cause de ça, c'est parce qu'on n'a pas redistribué le pouvoir d'achat. Mmh. C'est le pouvoir d'achat concentré chez des ultra-riches, puis ils ont le mentionné, ils placent ça à la bourse, ils placent ça dans l'immobilier, ça ne crée pas d'emploi local, ça ne génère pas d'activité économique. C'est une des explications pourquoi les inégalités créent, dans le fond, une espèce de stagnation économique qui est au détriment de tout le monde. Et je pourrais terminer avec quelque chose. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours, mettons, une société distincte, plus égalitaire que ses voisines, pour le dire pompeusement, un peu. Belle allusion à M. Robert Bourassa. Voilà. Oui, maintenant, un peu le chiffre de la semaine. Quelque chose qui est assez, ma foi, si on va du tout au tout. Le succès d'Apple et de l'iPhone a permis au groupe de se retrouver assis sur une montagne de plus de 250 milliards de dollars, Jean-Claude, de liquidités, rien de moins. Mais tout son problème est maintenant de savoir qu'en faire. Oui, plus précisément, c'est 258,8, presque 260 milliards américains, pas des dollars canadiens. Et juste donner une idée, là, c'est l'équivalent de la Caisse de dépôt et de placement. C'est l'équivalent de toutes les sommes dont dispose la Caisse de dépôt et de placement. C'est l'équivalent, plus ou moins, là, un petit peu moins quand même, du PIB du Québec. C'est l'équivalent du PIB du Chili. C'est de la grosse argent. Et ce que les journalistes mentionnaient dans les articles qui ont été publiés cette semaine, là... Apple jongle avec des idées comme acheter des Netflix ou acheter Spotify ou acheter Tesla. Ou ben non, ça, c'est une des options. L'autre option, ce serait de racheter leurs actions pour faire monter le prix de l'action pour les actionnaires d'Apple. c'est un peu le lien que je fais tantôt avec la stagnation séculaire. Pourquoi qu'ils donnent pas plutôt... Ils n'en profitent pas pour augmenter le salaire de leurs employés. Ou baisser le prix des produits qu'ils vendent. Ce serait une façon de remettre de l'argent dans l'économie, il me semble. Puis il semble qu'ils n'ont pas pensé à cette solution qui est pourtant si évidente. Bon, c'est probablement... Il y a 50 idées, c'est peut-être la 50e. Il y en a beaucoup d'autres avant. Et on disait aussi que s'ils voulaient faire des acquisitions, c'est ce qui est dans l'article, Apple devrait rapatrier cet argent aux États-Unis, ce qui lui coûterait très cher. Hein. Il y a ça aussi qui est comme le problème dans cette réflexion-là. Oui, ben c'est une des choses dont on a beaucoup parlé dans le contexte de M. Trump aux États-Unis. Ça faisait partie de sa proposition fiscale là, qui a sorti il y a quelques semaines, qui reste encore à être approuvée par le Congrès. C'est pas nécessairement gagné de ce côté-là, mais il voulait justement leur donner une espèce de pardon, là, pas complètement, mais en tout cas, si Apple ou d'autres rapatriaient leur argent aux États-Unis, il sera pas imposé autant qu'ils auraient dû l'être normalement. Il y aura une espèce de pardon présidentiel dans ce cas-là. J'ajouterais peut-être un petit détail, juste pour fixer les idées. Oui. C'est que on a parlé, je le rappelais la semaine dernière, on a rappelé qu'au Canada, il reste que les entreprises, on a beaucoup de petits Apple au Canada. Les données dont on avait parlé ici, les pommettes. Les firmes canadiennes auraient engrangé 500 milliards. C'est seulement des dollars canadiens dans ce cas-là, par contre. 500 milliards de dollars en profit accumulé depuis 10 ans au Canada. Donc, l'équivalent de deux Apple, finalement. Bon. Ah, ben c'est une grosse tarte aux pommes, ça. Mais là, tu m'as appris que Trump allait être fin avec les gens riches. Ça m'étonne vraiment beaucoup. Maintenant, côté actualité aussi, autre élément intéressant, la Caisse de dépôt et placement du Québec refuse de s'engager à réduire en deçà d'une cible précise ses placements dans les paradis fiscaux. Le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, a toutefois affirmé mardi qu'il allait faire des efforts pour diminuer ses investissements. L'institution a été la cible des parlementaires de l'opposition en raison de ses investissements dans des entreprises ayant recours à des paradis fiscaux parce qu'ils sont passés de 14,8 milliards à 26,2 entre 2013 et 2016, soit près du double. Quand même, c'est des questions qui sont fondamentales là, quand on aborde ça. Là. Ben, c'est une question d'éthique, si on peut dire. Là. On parle souvent des fonds éthiques. Là. Beaucoup de compagnies financières se vantent d'offrir en tout cas des placements dans des qui répondent à des normes en matière de travail ou d'environnement. Ou un homme fiscal également. Je pense que M. Sébia semble s'être un petit peu fait prendre, là, comment dire, les culottes à terre, si on peut dire, si on peut se permettre cette expression-là. Oui. En même temps, j'étais un petit peu ambivalent là-dessus parce que M. Sébia, chaque année, il faut qu'il fasse face à des comparaisons avec d'autres fonds institutionnels canadiens. Puis si la Caisse de dépôt ne rapporte pas 8, 9 ou 10 si elle rapporte moins que les fonds équivalents en Ontario, il se fait blâmer de ne pas faire assez d'argent. Fait que lui, il faut qu'il navigue un peu entre les deux. Oui, les politiciens parlent des deux côtés de la bouche là-dedans, ça c'est très clair. D'un côté, on veut que ça soit bien propre, de l'autre côté, on veut que ça performe. Exactement, oui. Comment on fait ça? Mais comme il fait. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont l'inverser un peu. Oui, on va le regarder, mais on n'arrêtera pas. C'est ce qu'on comprend de ce qu'il dit. Ben, probablement que je ne sais pas jusqu'à quel point, monsieur, je disais tantôt qu'il était pris culotte à terre, c'est un peu peut-être exagéré, mais il ne s'attendait peut-être pas à ce que ça arrive dans l'actualité. Et moi, je m'attends à ce que monsieur Sébia et ses collègues vont s'organiser pour baisser, en tout cas le plus vite possible, ces investissements dans des paradis fiscaux. Ouais, Sabia refuse aussi de ne pas investir dans des entreprises qui ont des paradis fiscaux à cause de notre monde en concurrence, disait-il. C'est pour ça qu'il se sent contraint de continuer de le faire. Ce que on lui reprochait quand même, c'est que c'était un avis unanime des parlementaires. Ça doit quand même peser un peu sur la morale, même si c'est une joute politique. Là. Non, je trouve que politiquement, c'est une nouvelle qui dérange beaucoup. Là, puis c'est pour ça que je mentionnais tantôt, je pense que M. Sébia n'aura pas le choix, parce qu'il va se faire poser la question la prochaine fois qu'il va venir à la commission parlementaire ou quand il va divulguer son prochain rapport d'activité là, l'an prochain. Il va dire, j'ai fait 10%, je suis bien content. Puis la première question que les journalistes vont y poser, c'est à quelle proportion venait des paradis fiscaux. Exactement. Donc, je pense que c'est un bel exemple où on voit que l'information, finalement, qui est rendue publique, peut exercer une pression salutaire sur les dirigeants, qu'ils soient politiques ou chefs d'institution, comme c'est le cas de M. Sébia. Il nous reste une minute et demie. Je ne peux résister à la tentation de profiter de tes connaissances économiques, te demander. La France, Le Pen et Macron, l'économiste qui voit ça de loin, le monde entier semble avoir peur que ça plonge du côté de Le Pen. On dit, ah, ben ça va être la catastrophe économique. D'un autre côté, ça prend Macron pour que ça puisse continuer de la même manière. T'en penses quoi, toi? Comment tu vois ça? Ben, c'est pas juste un économiste qui peut répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de dimensions politiques, évidemment, mais je pense pour Madame, ce qu'on a peur de Madame Le Pen, c'est plus le retour d'une espèce de droite là, très, très nationaliste puis très hostile à l'immigration. C'est une dimension plus sociologique ou politique. Ouais. Ceux qui sont pour M. Macron, dans le fond, on l'identifie beaucoup à la finance, mais surtout à l'adhésion à l'euro. Et ça, c'est peut-être plus un dossier économique et politique aussi en même temps. Donc, je pense ceux qui est-ce qu'elle le prend à la légère quand même, l'idée de sortir de « Ah, ça va bien se faire, on va repartir les culs, tout va bien aller ». Ben, on a vu cette semaine qu'elle semblait un peu patiner du reculon, oui. Madame. Moi, c'est trompé sur ses années, d'ailleurs, d'utilisation de l'écu. Oui, mais ça, j'en veux pas trop, parce que ça me rappelle que des politiciens au Québec, Mme Marois n'a pas la nommée, s'est déjà trompée dans des définitions de base comme ça. Je suis assez indulgent des politiciens, parce qu'ils peuvent pas tout savoir, honnêtement. Mais je pense qu'elle c'est son arrogance qui fait qu'on a envie de lui rappeler, par contre. Ben, je pense qu'elle a compris, par même Mme Le Pen, que c'est bien beau, mais quand tu t'approches du pouvoir, si tu as une chance d'être au pouvoir, là, faut-tu vivre les conséquences de tes engagements. Puis sortir de l'Europe, là, c'est quand même pas... Enfin, sortir de l'euro, c'est quand même pas évident, là. Je me souviens, c'est Gilles Barry puis Pauline Marois qui connaissaient pas la définition de la récession. C'est ça à quoi je faisais allusion. Je m'en souviens très bien voir les yeux de pétillants de Gilles Barry qui disait « Oups! » Et puis ta ministre du Développement économique... C'est une affaire de rien, une affaire de rien. Donc, nous vous avons parlé de livre Inégalité d'Anthony Atkinson ou encore son pendant tout québécois pour savoir ce qu'il en est chez nous. Le 1% le plus riche, l'exception québécoise de Nicolas Zorn. Ça vous prend ça si vous voulez mieux comprendre et savoir ce qu'il en est à propos des inégalités. Ça donnera quelques arguments pour répondre à Jean-Guy qui vous écœure tout le temps pendant le temps des fêtes. Donc, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci encore une fois pour ta participation. Ça me fait plaisir. Et puis, l'émission Le Grain de Sable le suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado, visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.